Amis deviennent ennemis, frères deviennent traîtres. Ils marronnent de comment on les traite, mais n'ont rien dans la tête. Ils têtent contre nous mecs, mais en fait nous aiment en cachette. Et leur amitié, il faut qu'on achète. J'ai des frères, mais où y'a des traîtres partout. Et sur mon sale t-shirt, moi j'ai du sang partout. Mes potes, mes gorges, j'en dirais un film, mes gorges. C'était parti pour bien finir, je suis plus en vie, mais mort. Y'a que des putes, que des mecs sans pute, que des mecs sans fute. Car pas de couilles, pas de répute, qui eut cru. Des potes salopes avalent, ils partent en cavale, ils tirent dans le dos en rafale. Des mecs aveuglés par leur barrette de shit. Tu leur demandes leur nom, et puis les mythes, ils hésitent. À l'intérieur d'un groupe, y'a toujours des traîtres. Ça ressort bien un jour, et ça fait mal à la tête. Mais ils se compensent avec des mecs de confiance. Tu es con, je pense, tu sais ce qu'on pense. Tu n'es qu'une grosse pute, réfléchis pour comprendre. C'est pour vous langue de pute qui avait pour but ma mort. Cherche pas ces morts, vous critiques ne m'ont pas entamé. Mon corps résistant comme une plaque d'acier. Assez à moi de riposter, pour vous c'est terminé. N'appelez pas les condés, rien ne pourra m'arrêter. Ce qui est dit est fait, ne crie pas désolé, ça ne fait aucun effet. Frère, ne la joue pas, gangster, ne prends pas cette terre. Le délinquant qui croit qu'il peut tout faire. Tu dis niquer la France entière. Refroidis, tu joues encore au Pokémon IR. Ta cote est en baisse, t'attaches à une laisse. Tu n'es qu'un sale traître qui nous gobe et après nous traite. Parce qu'on m'a dit un souci à Baltrent et ça sera fini. Viens en fait un tête, que je te fasse ta fête. Tu n'es qu'une tapette, fallait pas nous trahir. Tu nous as poussé à te haïr. Tu veux nous taper, arrête, tu es mort de rire.